Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Vadget dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, l'économie du réemploi ou l'économie de la seconde main. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, dans le contexte actuel d'inflation et de hausse de nombreux postes de dépenses incompressibles, de plus en plus de ménages courent notamment après les promotions dans les enseignes de la grande distribution. C'est malheureusement insuffisant. Conséquent, vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des produits déjà utilisés, comme des vêtements, des équipements. C'est ce que l'on appelle le marché de la seconde main. Illustration localement, le 2 septembre dernier a été organisée la première foire à l'équipement avec cet objectif de réduire les coûts d'aménagement, d'allogement des étudiants. Vaisselle, petit électroménager, vêtements, ordinateurs, reconditionnés et vélos, tout cela réuni à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy où 13 acteurs du réemploi se sont réunis. Cette foire à l'équipement a été organisée notamment par la structure, donc le levier dont nous accueillons aujourd'hui deux représentantes. Tout d'abord à Agatha Dutec qui est chargée de mission, donc animation au sein de la structure Levier. Bonjour Madame Dutec. Bonjour. Bon. Et puis Alix donc Lecointre qui est donc référente territoriale Lorraine à Synercop qui est une donc CAE. Bonjour donc Madame Lecointre. Bonjour. Alors CAE, simplement si vous pouvez nous donner quelques explications. Oui bien sûr. Alors une CAE c'est une coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Donc c'est une entreprise qui appartient à des entrepreneurs qui ont fait le choix de ne pas développer leur activité seule, mais de le faire en collectif dans un cadre sécurisé, avec la possibilité de devenir salarié de la coopérative, mais grâce à leur activité. Voilà. Très bien, ben oui, je découvre cette nouvelle structure. Alors avant d'aller un peu plus loin, Madame Dutec, quel bilan tirez-vous justement de cette première foire à l'équipement ? Très positif. Nous avons eu environ 300 passages dans la journée. Nous avons proposé une offre intéressante au bon moment qui a répondu vraiment aux besoins du moment, du territoire, ce qui est notre objectif. C'était aussi une occasion de rencontrer une nouvelle public et qui n'apparaissent pas peut-être souvent dans l'autre événement lié à l'environnement et des personnes qui viennent d'arriver à Nancy. On a envie de le refaire parce que vraiment c'est quelque chose qui correspond à cette idée, à un besoin du moment. Tout à fait. Donc, vous proposez en fait une solution gagnant-gagnant pour les portefeuilles, pour la planète hein, et puis pour la communauté locale. Et nous allons donc essayer d'en savoir un peu plus sur justement sur votre action. Mais au préalable, on va essayer un petit peu de mieux vous connaître. Alors, Madame Butec, quel est votre parcours professionnel? Comment êtes-vous arrivée justement à cette structure Le Levier? Je pense, j'ai le droit de dire que mon parcours est tout à fait atypique parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu, sinon ça ne va pas tarder. J'ai un petit accent, je suis polonaise. Alors, dans ma vie d'avant, j'ai fait mes études en sociologie, en études européennes. Je suis devenue une fonctionnaire dans le sein de l'administration polonaise. J'ai travaillé sur différentes politiques européennes, notamment en migration économique. Et après, je suis tombée amoureuse d'un enseignant. Et il y a 4 ans, j'ai débarqué à Nancy. J'ai dû me réinventer. Et à un moment, je me suis retrouvée à Kepos, qui est porteur de ce projet du Levier, au sein d'une équipe très engagée, très dynamique, qui donne envie de travailler. Et vraiment, j'en suis très heureuse. Très, très bien. Alors justement, on va revenir au sujet de cette structure, donc le Levier, hein, qui fédère, donc, si j'ai bien compris, 24 acteurs du réemploi, c'est-à-dire qui donc utilise la philosophie de la seconde main ou de l'approche RSE, responsabilité sociale et environnementale. Alors pouvez-vous nous citer par exemple quelques acteurs clés qui travaillent au sein de cette structure Le Levier ? Alors nous sommes déjà 25 groupés autour de deux grands axes de notre activité, autour de réemploi avec de grands acteurs du terrain comme la Réciprocité, la Beninde, l'Envie, l'association Dynamo et plein d'autres acteurs que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.lelevier.org. Et autour de DAX RSE, il y a la coopérative Synercop. Il y a des cabinets de conseil comme Arborescence, Socialfees ou Colibri. La liste n'est pas fermée, c'est ouverte à toute la structure, peu importe la forme juridique. Comme vous voyez, ce sont des acteurs très hétérogènes qui souhaitent de s'engager pour un territoire solidaire et durable. Très bien. Alors, donc, dans quel contexte est née donc, cette structure? Je vais m'adresser cette fois-ci à Alix Lecointre. Alors, c'est pas évident comme question à résumer, mais je vais essayer. Le levier donc est né de l'envie de plusieurs acteurs de réfléchir ensemble à des actions innovantes autour de thématiques qui interrogent le monde. L'initiative a été portée donc par Kepos. Kepos, c'est une coopérative, une SIC qui a été créée en 2019 et qui travaille sur la transition écologique et sociétale. Et qui a comme mission de tisser des liens entre les acteurs impliqués dans la transition écologique et le développement durable. Donc Kepo, ça fait appel aux bonnes volontés, et cet appel, cette impulsion a été motivée par une relance de l'État en 2021 d'un appel à projet pour une labellisation des PTCE. Donc on y reviendra, mais le PTCE, c'est la structure, le levier. Et donc des acteurs qui n'avaient jamais travaillé ensemble se sont regroupés pour mutualiser leurs compétences, imaginer des solutions nouvelles sur des problématiques de territoire. Donc les premiers qui se sont réunis, ce sont des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'insertion. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Oui. Et donc deux profils d'acteurs se sont un peu distingués dans les premières personnes qui ont travaillé autour de ça. Des acteurs de la formation, de l'accompagnement à la montée en compétences, et des acteurs de la transition environnementale, du réemploi. Et donc c'est ces deux dimensions qui vont un petit peu donner sa couleur au PTCE par la suite. Et donc vraiment, le levier, il est né de la persévérance des gens qui pensent que travailler ensemble, c'est important et que ça peut construire quelque chose. Et là, j'essaye d'en faire un résumé le plus court possible, mais ça a pris plus de 2 ans. Donc voilà. D'accord, très bien. Donc ouais, effectivement, on est plus fort à plusieurs. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises donc, de PTCE, parce que c'est la structure juridique du levier. Donc, ça veut dire donc pôle territorial de coopération économique. Voilà, aussi, moi, j'ai découvert. Je découvre beaucoup de choses en faisant cette émission avec vous. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur ce PTCE, ce pôle territorial de coopération économique? Oui. Alors, un PTCE, en fait, c'est un dispositif d'État. Donc, ça permet le regroupement d'acteurs socio-économiques, des acteurs qui cherchent à répondre à des besoins du territoire par des projets économiques innovants et durables. Un PTCE, ça peut prendre différentes formes juridiques, la forme d'une association ou la forme d'une coopérative SIC. Et c'est une forme de coopération économique, donc labellisée par l'État. Le levier a été donc labellisé PTCE par l'État en 2021. Le territoire que couvre le levier, c'est tout le sud Meurthe-et-Moselle. Et fin 2022, le levier a obtenu aussi des financements de l'État pour son fonctionnement. Donc c'est vraiment ce débloquement aussi de fonds qui a permis la structuration de la structure. Et les acteurs du PTCE sont tous aujourd'hui signataires d'une convention de coopération. Vous avez parlé à plusieurs reprises de coopération, donc il y a vraiment une volonté de coopération avec tous les acteurs dans la perspective de la transition écologique, avec des décisions qui sont prises collectivement, hein, si j'ai bien compris. Hein, vous reposez sur un mode de fonctionnement coopératif basé sur un homme, une voix. Hein, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est un des... Donc, on représente des structures donc de l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ESS. Et un des piliers de toutes les structures de l'ESS qui ont été donc cadrées par la loi de 2014, c'est la gestion démocratique. Et en coopérative, en SIC, ça se traduit par un homme, une voix. Donc, c'est-à-dire que la prise de décision, tout associé à le même pouvoir de vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Voilà, donc toutes les différentes structures, on parlait de 25 structures, ont le même poids, quelle que soit leur importance, tout dans la prise de décision. Hein. Très bien, donc après la première pause musicale, on reviendra justement sur les principales missions de votre organisation Le Levier, mais on a l'habitude à l'Instant Écho de faire des pauses musicales et j'ai demandé à chacune d'entre vous de me sélectionner une chanson musique coup de cœur. Alors, quel a été votre premier choix, Agatha Dutek? Alors, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, j'ai choisi la chanson que je pense vous connaissez tous, c'est la chanson Imagine de John Lennon. Très bien, mais on va écouter votre premier choix musical. Voilà, c'était donc John Lennon Imagine. Alors, c'était le choix donc d'Agatha Dutek. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre choix? Je l'ai choisi parce que je rêve vraiment d'un monde dans lequel la coopération est plus importante que la compétition. Quand on cesse d'entrer en compétition entre nous tout le temps et comment on commence à faire des choses ensemble. Et c'est ça l'objectif du Levier. C'est au sein du Levier quand j'ai trouvé d'autres personnes qui pensent de cette manière. Très bien, Baron. Merci pour ces explications. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons donc pour cette émission donc l'Instant Écho, et bien deux représentants de la structure donc Le Levier, donc Agatha Dutek et Alix Lecoindre, pour parler donc de l'économie du réemploi ou l'économie de la seconde main. Alors, on revient donc sur l'organisation donc de la structure Le Levier. Comment Le Levier est-il organisé? Comment sont ses principales ressources? Je m'adresse à Alix Lecoindre. Le fonctionnement du levier, donc c'est les 25 membres maintenant qui se réunissent régulièrement en comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, c'est toutes les prises de décisions stratégiques qui qui sont faites. Kepos y tient le rôle d'animateur. Donc Kepos, c'est... Donc c'est la coopérative qui est pilote du PTCE Le Levier. Après, dans l'organisationnel plus quotidien, il y a deux gros groupes de travail qui se sont constitués, avec eux à l'intérieur des sous-groupes sur des actions vraiment très concrètes. On a d'une part le groupe qui travaille vraiment à la RSE, donc à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc là, on a beaucoup d'acteurs de la formation, où on est sur la mise en œuvre d'actions autour de l'accompagnement aux démarches RSE. Et puis, tout un groupe de travail sur le réemploi, où donc là, on est plutôt sur des structures réemploi et transition environnementale, avec là, l'envie de structurer au mieux les filières du réemploi au local. Après, concrètement, les ressources, moi, j'ai parlé tout à l'heure de fonds qu'on a eu l'année dernière, mais c'est vraiment l'engagement de chaque structure qui permet de faire fonctionner le levier. C'est avant même les fonds, cet engagement qui a permis en 2022 de répondre à un appel à manifestation d'intérêt pour obtenir justement des financements. Ça permet maintenant de financer le levier sur le fonctionnement. Et c'est ça aussi qui a permis l'embauche d'Agatha et d'avoir quelqu'un qui est là du coup au quotidien pour faire fonctionner la structure. Pouvez-vous nous préciser plus précisément les grandes missions attribuées à ce pôle de coopération, notamment celles inscrites dans vos statuts ? Les objectifs sont assez ambitieux parce qu'on aimerait bien changer le présent et créer un avenir meilleur. Mmh. En répondant aux besoins du territoire, en sortant du besoin qu'on observe ici et d'agir pour un territoire solidaire et durable. L'engagement du PTCE, du levier, est centré autour de deux axes, comme nous l'avons déjà dit. La première axe, c'est le réemploi. Et la deuxième, c'est RSE. Proposer ou structurer plus la filière du réemploi et proposer de formations sur RSE pour aider aussi aux structures, aux entreprises qui sont présentes sur le territoire d'aller dans cette direction et de partager avec eux les savoirs qui est disponible dans les structures qui font partie du levier. Alors, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. Alors, justement, avez-vous déjà effectué un bilan en termes d'emploi des différentes structures que vous fédérez ? Alors, le levier, donc, c'est une structure qui est récente. On construit pour l'avenir. Vous avez compris, donc, il s'agit de coopération et d'innovation dans le temps. Donc, c'est des démarches multipartenariales qui prennent vraiment du temps. On est encore loin de pouvoir comptabiliser en termes d'emploi. Après, on regroupe des structures, notamment qui sont dans le champ de l'insertion, des structures qui participent à consolider l'emploi local, mais on ne peut pas comptabiliser. Et d'ailleurs, je pense qu'on essaye aussi d'explorer des autres systèmes d'évaluation qui vont au-delà vraiment du quantitatif, mais aussi sur du qualitatif. Très bien. Alors, finalement, votre objectif, c'est de créer un véritable écosystème territorial fondé sur des circuits courts, avec des emplois que vous créez non délocalisables, de véritables atouts pour convaincre notamment les pouvoirs publics de vous soutenir, n'est-ce pas, Madame Dudek ? Ou Madame Lecointre ? Oui, alors le levier rassemble des structures de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire. C'est des structures qui bénéficient toutes ou quasiment toutes, plus ou moins de subventions, de soutien des pouvoirs publics. Mais c'est aussi des structures qui sont des acteurs du monde économique, avec des chiffres d'affaires, avec de la création d'emplois. Et le levier s'inscrit vraiment dans la même dynamique. Alors bien sûr, les soutiens sont essentiels pour nous permettre d'expérimenter, mais on cherche aussi à développer des modèles économiques qui sont viables. Alors, je vais revenir sur l'économie du réemploi, de la seconde main. Avez-vous une idée du profil de la clientèle qui s'adresse à vos différentes structures ? Des profils sont très différents. D'abord, on touche différentes formes du réemploi. Il y a différents objets qui sont réemployés. Ce n'est pas que vêtements ou que petits mobiliers. Vous savez, déjà partout en France, et pas que en France, le marché du réemploi grandit. Il y a le site internet qui le permet, il y a des acteurs marchands qui s'y mettent. Alors, vraiment, il y a des profils de clients très différents. Des gens s'y mettent pour des raisons d'engagement écologique, pour des questions d'économie et de finances. Mais aussi, il y a des structures qui ont développé leur emploi de matériel de bâtiment. Alors forcément, on se tourne vers le professionnel, vers les architectes, vers les professionnels de BTP. On développe aussi des formations. C'est aussi une manière de un peu former le client, de les inviter à cette démarche, parce que c'est un grand marché et c'est bien de le partager avec toutes les structures. Et il y a aussi, il faut ajouter aussi que c'est pas que leur emploi. Derrière cette structure, il y a aussi des ateliers artisanaux, leur savoir-faire. Souvent, on ne revend pas que les objets récupérés et nettoyés, mais ils ont été rénovés par de meubles ou de remis en état. Il y a une vraie valeur ajoutée. Une valeur ajoutée apportée par ces artisans. Oui. Et pour assurer la clientèle concernant l'économie de réemploi, est-ce que vous proposez des garanties? Oui, il y a, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une obligation légale de donner une garantie d'1 an. Dans les cas de réemploi, notamment des objets de petits électroménagers, c'est la garantie développée aussi pour la deuxième année si la panne est liée avec la réparation. Par exemple, on vit notre plus grand acteur sur ce domaine. Il vous donne tout de suite 2 ans de garantie sur leur équipement électroménager. Électroménager, tout ce qui est le grand et le petit aussi. Très bien. Eh bien, on va maintenant passer à la deuxième pause musicale. Et cette fois-ci, donc, je m'adresse à Alix Lecointre pour vous demander quelle a été votre chanson coup de cœur. Alors bah, du coup, là j'ai choisi Don't Panic de Coldplay. Là on est à la radio, mais si on regarde le clip, ça explique bien ce que j'essayais de montrer. C'est, on voit un monde magnifique qui est détruit petit à petit, mais qui reste quand même magnifique parce qu'on a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Et donc pour moi c'est vraiment ça, cette logique de coopération dont on vous parle depuis le début. Et puis aussi juste ce qui m'a donné envie de parler, de choisir cette chanson, c'est le groupe l'a écrite au moment où sa notoriété explosait et qui paniquait un petit peu par rapport à tout ça. Et du coup le fait de ne pas avoir, enfin de paniquer face à l'explosion de notoriété, c'est tout ce que je souhaite au PTCE Le Levier. Très bien, on écoute tout de suite donc Coldplay, Don't Panic. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Thank you. Voilà, c'était donc le coup de cœur donc d'Alix Lecointe, c'était donc Coldplay. Alors pour cette émission donc approche de la fin, donc on a parlé donc de la structure donc le levier qui fédère 25 désormais donc associations, structures différentes autour donc du réemploi, donc de l'économie sociale et solidaire et de la RSE. Alors si d'autres structures veulent adhérer à, donc au levier, est-ce qu'il y a des démarches particulières à suivre? Je vous invite de prendre contact avec nous, de vous présenter et aussi de lire notre charte de valeurs. Parce que, en fait, c'est le seul critère pour de membres. On est toujours ouverte. Notre objectif, c'est aussi de faire grandir cet écosystème. Alors, si seulement vous avez envie de vous engager pour le développement durable de notre territoire, vous êtes bienvenue. Et c'est le conseil de comité de pilotage qui prend la décision. Très bien. Et vous avez donc un site, hein, donc internet sur lequel vous présentez un petit peu la structure. La structure est présentée, je vous invite de voir le site www.lelevier.org où on présente nos valeurs et notre mode de fonctionnement. Eh bien, merci donc à Agatha Dudek et Alix Lecointre de nous avoir donné toutes ces explications sur votre structure, le levier. Est-ce que vous avez quelques mots pour terminer? C'est une très belle aventure parce que on a commencé, on ne sait pas la fin, mais c'est vraiment important de développer. On sait déjà, je pense, tous les acteurs n'ont pas de doute que ça peut nous emmener loin. Ensemble, on est capable de faire plus que seul. Tout à fait. Ben, moi, je voulais aussi vous remercier de nous avoir invités, parce que du coup, c'est une structure qui est compliquée à comprendre de l'extérieur et pourtant qui mérite à être un peu mieux connue. Donc, ben, j'espère qu'on a permis à nos auditeurs donc, d'apprendre donc, davantage sur cette structure, donc le levier, en tout cas longue vie hein, donc, au levier. Voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page donc, de Radio Fadjet et de vous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. On se retrouve donc le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.